Je suis la tête et non la queue. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la race des élus. Je suis l'héritier du royaume. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis le Sagadurique. Je suis la tête et non la queue. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la race des élus. Je suis l'héritier du royaume. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Le Christ vainqueur, celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Le Christ vainqueur, celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la race des élus. Je suis l'héritier du royaume. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Le Christ a vaincu. Celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit. T'es non la queue, je suis le cœur de l'éternel, je suis le frère de Jésus, charlatan ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les marabouts ont peur de moi, je suis la tête et non la queue, je suis le Seigneur. Oh, oh, oh, alléluia, le Christ a vaincu. T'es non la queue, je suis le pain de l'éternel, je suis le frère de Jésus, je suis les charlatans ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi, je suis la tête et non la queue, je suis ce que Dieu dit. Des élus, je suis l'héritier du royaume. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je